Internet est un merveilleux outil avec des milliards de sites à ta disposition. T'as de quoi oublier tous tes soucis, que tu sois noir, blanc, brillant ou con. Que tu sois une femme ou un homme, libre à toi de croquer la pomme. De mater des films de cul toute la journée, finir la semaine avec la bite brûlée. Et soudain Internet te lâche, tu regrettes d'avoir parfois fait la fête. Délaissant ton ordinateur, oubliant que c'est lui qui fait ton bonheur. On n'y fait pas assez attention à cette foutue connexion. On ne la chérit pas assez. On oublie que chaque clic doit être sacré. Non, faut pas que je redescende. Non, si encore elle était grande, j'aurais plus de temps. Au début tu te dis que tu peux t'en passer, que ça te fera du bien d'arrêter de te branler. Puis les brûlures te manquent, tu loues des DVD. Mais dur de choisir quand on peut pas avoir d'extrait. Tu te penches chez Dorcel pour lui demander conseil. Il te dit que ses films sont tous des merveilles. Tu dévalises ton vidéoclub, plus un seul porno. C'est à peine si ça rentre dans ton petit sac à dos. Puis ton appart repart, il n'y a toujours rien. Toujours pas de connexion sur ton ordinateur. Tu te pointes alors chez ton fournisseur. Et très sérieusement tu le menaces. De s'il ne t'aide pas, lui en foutre plein la face. T'es à bloc, ça fait de moi que t'attends de pouvoir enfin te vider entièrement. Non, faut pas que je redescende. Non, si encore elle était grande, j'aurais plus de temps. Non, faut pas que je redescende. Non, si encore elle était grande, j'aurais plus de temps.